Chapitre 29e. Boyne était comme un homme qui vient de rouler la nuit au bord d'un précipice. Il lui fallut faire un effort pour rentrer dans la réalité. Dans un élan de reconnaissance, la jeune fille lui avait jeté les bras autour du cou et il s'écartait d'elle, de l'odeur tiède de sa chevelure, alors qu'il était bouleversé d'amour et de désir. Pourvu qu'elle n'eût rien deviné, cette idée l'emplissait de terreur. Il fallait d'abord lui cacher cette première fêlure de leur intimité, lui cacher que, pour un moment, elle venait d'être pour lui la femme qu'elle serait un jour pour un autre homme dans un avenir d'où il se sentait à l'avance exilé. Il repoussa les douces mains et fit quelques pas vers la fenêtre, puis, parvenant à se composer une contenance, il revint près de la jeune fille. « Judy, mon enfant, tâchons de vivre au jour le jour. Je suis prêt à promettre tout ce qu'on peut attendre d'un homme raisonnable, à livrer encore une bataille et je ne désespère pas de la gagner. En tout cas, je suis là. Je ne vous quitte pas. Je ne déserte pas. » Il se tut. Il lisait dans les yeux de la jeune fille la vanité de ses vagues promesses. « Oui, » dit-elle d'une voix diminuée et incolore comme son visage. Il la regarda d'un air désolé. « Vous me comprenez, mon enfant ? Je ne sais plus. Il y a un moment, je croyais. » Ses nerfs se remettaient à se crisper, recommençaient à discuter pour quoi faire. Il fallait s'occuper sans doute de l'immédiat, mais dans les dernières minutes, Boyne avait usé sa volonté et son énergie. Il avait le sentiment navré d'avoir déçu la jeune fille sans pouvoir deviner en quoi. « Je vous répète que je ferai tout ce qui dépend de moi, » dit-il. Elle ne répondit pas, gagnée par sa contrainte, et il vit le désappointement dans son regard. « Vous ne me croyez pas, » dit-il. Elle le regarda d'un air de doute. « Mais vous veniez de dire. J'ai cru que vous disiez qu'il y avait un moyen de rester tous ensemble. » « Vous me parliez d'un projet, d'un plan. » Il sentait son irritation l'envahir. Il n'était plus maître de lui. Cette simplicité totale, n'était-ce pas une comédie? Peut-on posséder le pouvoir d'exciter le désir sans se douter qu'il existe? « Quel misérable je fais, » pensa-t-il, « d'avoir de telles idées. » Bientôt, dans peu de temps, cette riche nature s'épanouira. Mais elle n'a encore qu'une ou deux feuilles développées. Sa tendresse pour ses frères et sœurs, et sa foi dans les quelques êtres qui lui avaient manifesté quelque bonté dans un monde sans bonté. « Tant pis, » continua-t-elle après avoir attendu une réponse qui ne vint pas. « Je me serais trompée. » Il éclata d'un rire nerveux. « Entièrement, ma chère. » « Et vous ne me direz pas ce que vous aviez en tête ?» Il restait, les mains dans les poches, debout, immobile, les yeux fixés sur le plancher. Il y a 10 minutes, il n'aurait osé profaner la jeune fille avec l'idée de son amour. Maintenant, en face de sa détresse, devant cette évidente déception, il se demandait si ce ne serait pas plus honnête, plus charitable de parler. Son corps recommençait à battre la chamade. Il était cruellement embarrassé. Était-ce la crainte de faire du mal à la jeune fille ou la peur soudaine du mal qu'elle pouvait lui faire ? « Judith, » dit-il, « quel âge avez-vous ? » 16 ans, dans 3 mois. Non, dans 5 mois. Soyons franches, » dit-elle avec un louable effort de vérité. « Tant que cela, 16 ans, c'est un âge, » dit-il en riant. Elle continua à le regarder avec étonnement, cherchant où il voulait en venir. « Mais j'ai l'air plus vieux, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle avec élan. « Ne m'en parlez pas. Il y a des moments où ça me fait peur. » Il se rappela qu'elle lui avait parlé du désir que Gérard avait de l'épouser, simplement, comme de la chose la plus naturelle du monde, et ses propres scrupules lui parurent absurdes. « J'oublie toujours que je lui parle comme à une pensionnaire. Ce n'est pourtant pas une petite oie blanche, » pensa-t-il en se moquant de lui-même. « Vous voilà 6 grandes personnes qu'il va falloir bientôt penser à vous marier. » Le grand mot était lâché. Il lui résonna dans la tête comme un carillon pendant qu'il attendait la réponse. Judith lui répondit sur le ton d'une parfaite indifférence. « Pourquoi me dites-vous cela ? Est-ce que je peux me marier avec toute cette smala sur les bras ?» Il était clair qu'un tel sujet était à 1000 lieues de son esprit et qu'elle ne se souciait nullement d'en parler. « C'est comme si vous me disiez que je ferais bien de penser à mon éducation, » grommela-t-elle. Il reprit. « Mais il pourrait se trouver... Vous pourriez rencontrer... » Il eut besoin de raffermir sa voix. « Si nous ne réussissons pas à empêcher qu'on vous prenne les petits, vous serez bien seul. »« Me prendre les petits ? Vous croyez que je me laisserai les prendre ? » ?»« que je ne me battrai pas jusqu'au bout, que je laisserai Sibleulmer me voler Chip et que je souffrirai de voir Bun et Beachy chez ce gueux de Buendelmonte. Je pense comme vous que ce serait odieux, que cela n'arrivera pas, mais enfin dans la vie il faut toujours mettre les choses au pire. » De nouveau, il assura sa voix. « Si cela tournait mal, si vous vous sentiez bien seul et qu'un brave garçon vous demandait en mariage, vous pensez à quelqu'un ?» Il fit mine de plaisanter. « Mais, par exemple, moi ?» Elle le regarda un moment, ne sachant que penser, puis elle partit d'un grand éclat de rire. C'était comme une source bouillonnante qui montait, fraîche et limpide, des profondeurs de son âme de petite fille. « Eh bien, c'est ça qui serait drôle, » dit-elle. « Oui, n'est-ce pas que ce serait drôle ?» Boyne n'en put dire davantage. Il eut peur de se trahir. À tâtons, comme un aveugle, il ramassa son chapeau et se dirigea machinalement vers le vestibule. Sur le seuil, comme si la tête lui tournait, il balbutia. « J'ai besoin de prendre l'air. Je repasserai dans la soirée pour arrêter cette affaire du voyage à Paris. »